Toujours à l'occasion de l'anniversaire du Parti du Travail de Corée, le président nigérian Muhammadu Buhari, commandant en chef des forces armées, a fait parvenir une corbeille de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le chargé d'affaires par intérim du Nigeria en Corée l'a transmise le 6 courant à un cadre coréen intéressé.